Genèse chapitre 8. Or Dieu se souvint de Noé, et de toutes les bêtes et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'arrêtèrent, car les sources de l'abîme et les bondes des cieux avaient été refermées, et la pluie des cieux avait été retenue. Et au bout de 150 jours, les eaux se retirèrent sans interruption de dessus la terre, et diminuèrent. Et le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu'au 10e mois, et au 1er jour du 10e mois, les sommets des montagnes se montrèrent. Et il arriva qu'au bout de 40 jours Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, et il lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux se fussent desséchées sur la terre. Il lâcha aussi d'avec soi un pigeon, pour voir si les eaux étaient allégées sur la terre. Mais le pigeon, ne trouvant pas sur quoi poser la plante de son pied, retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre, et Noé avançant sa main le reprit, et le retira à soi dans l'arche. Et quand il eut attendu encore 7 autres jours, il lâcha encore le pigeon hors de l'arche. Et sur le soir le pigeon revint à lui, et voici, il avait dans son bec une feuille d'olivier qu'il avait arrachée, et Noé connut que les eaux étaient diminuées de dessus la terre. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha le pigeon, qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 601 de l'âge de Noé, au 1er jour du 1er mois, les eaux se furent desséchées de dessus la terre, et Noé, ôtant la couverture de l'arche, regarda, et voici, la surface de la terre se séchait. Et au 27e jour du second mois, la terre fut sèche. Puis Dieu parla à Noé, en disant, « Sors de l'arche, toi, et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils, avec toi. Fais sortir avec toi toutes les bêtes qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des baies, et à quatre pieds, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils foisonnent et multiplient sur la terre. » Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes à quatre pieds, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête nette et de tout oiseau net, et il en offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur d'apaisement, et dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à l'occasion des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse, et je ne frapperai plus toute chose vivante, comme j'ai fait. Mais tant que la terre sera, les semailles et les moissons, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. »